Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici les Paparazzi Fous édition Franco. Hey, bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Paparazzi Fous pour la semaine du 2 au 8 décembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, ben comme à toutes les semaines, on va faire le top 20 francophone au grand complet. La semaine passée, numéro 1 était occupé par Fred Fortin avec la pièce Dollarama. On va savoir si ça tient d'ici la fin de l'émission. On va aussi avoir de nouvelles entrées. Il va y avoir tantôt Marie-Pierre Arthur et la Pâte Rose, mais on commence en 20e. Voici les amis au Pakistan. Et prenez bien note de l'article, le fleur de ma journée. Tout de suite. Dans les palmarès Cifou édition franco, allez voir le www.cifou.ca pour voir le palmarès au grand complet avant même qu'on se rende au numéro 1. C'est tricheur finalement, moi j'ai aucun respect. Tu devrais t'en tuer.

sera pas long. Numéro 16.

chansons tristes, oh si tristes. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Moi je te tiens la porte et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Mon cœur est une plage au milieu de tristesse. Ah, ah, c'est bon. Chinatown avec Tu es un hit. C'est lancé numéro 2, ça descend de 7 places. Malheureusement, c'est en 9e position francophone de leur album Cité d'or. Avant les Mimi Van Der Glo avec Demain je travaille. Demain les enfants, je travaille. Ça monte de 2. Et on a débuté avec les Fatal Picard. Et Mon père était tellement de gauche, ça monte de 4 places. C'est en 11e position francophone. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. On ne passe que de l'anglo dans cette émission. Aujourd'hui, on se rend jusqu'au numéro 1, qui la semaine dernière était Dollarama de Fred Fortin. Fred Fortin qu'on avait d'ailleurs en entrevue très récemment à l'émission Assemblage requis. Allez retrouver la balado-diffusion sur le www.cestfou.ca. Mm-hmm. Dans le prochain bloc, il va y avoir la musique d'Hôtel Morphée et de Vanis Parietter. On commence avec Ariel. Voici un morceau qui monte directement de la 17e place. En seulement 2 semaines, c'est déjà rendu numéro 8. C'est Méfie-toi, Mephisto. Au Palmarès C'est fou, au 89.1 FM. Retour au Tellement Fait Naïve et Patrick et Brut dans les Palmarès Fou édition Franco au 89 FM. Numéro 6. Regarde par là. la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse grandir le moteur, défiler les acteurs. Descends doucement la vitre, prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde, prends ton temps et respire. Encore plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé. Tu m'as les nuages, reconnaissent ton visage. Ma main sale date plan verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. Encore trop tard. Comment vieux soldat qui rêve encore changer de décor. Je te jure qu'il faut y croire même quand l'ennui te mord. Que ton cœur est fait de phare, que le temps s'évapore. Tes yeux restent bleus même quand c'est nuageux. Je sais que tu es vieux mais la vie reste en jeu. Je te jure que je vais t'amener le samedi pour danser. Même s'il fait trop froid, même si on manque de temps. Si la danse est fermée, ben je trouverai un plancher assez beau pour valser au plafond béant. Plein d'étoiles dedans. Plein d'étoiles dedans. C'était la sixième position francophone qui monte d'une place dans Sur les toits de Hôtel Morphée. Avant, c'était Vanessa Pariété avec Bois Vert qui monte d'une place. Et on a débuté le bloc avec Ariel et Mephisto à Mephisto qui montent directement de la 17e place après seulement deux semaines. Félicitations Ariel. Numéro 1 très bientôt, j'en suis sûr. Mm-hmm. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou, que du franco aujourd'hui jusqu'à la fin de l'émission. Donc, tant mieux pour ceux qui aiment le francophone et les autres. Ben, retrouvez l'édition anglophone mercredi prochain entre 13h et 15h. Et en passant, non seulement les Palmarès sont en direct les mercredis et jeudis de 13h à 15h, mais ils sont aussi diffusés les vendredis soirs entre 17h et 20h. Les deux formules ensemble, les deux versions, les deux éditions, les deux numéros, peu importe. Le vendredi entre 17h et 20h. Il n'y a pas 14 millions de façons de le dire. Hein? C'est vendredi soir entre 17h et 20h. Bon, allez voir cif.ca pour la programmation complète de C'est fou. Dans le prochain bloc, petit bloc de deux pièces, il va y avoir Patrick et les Brutes avec Chicanier qui monte de deux places. Mais on commence avec la cinquième position qui monte de la 19e. Hein, vous croyez tantôt que Ariel a fait un gros bond? Eh bien, détrompez-vous. C'est pas si gros que ça comparé à Naïve avec Echo. Que voici tout de suite dans les panneaux assez fous au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Chez Candy de Patrick et les Brutes, en quatrième position francophone, ça monte de deux places avec l'album Toutes les filles sont folles de moi. Et avant, c'était Naïve avec Echo qui monte directement de la 19e position après seulement deux semaines de présence. Il nous reste seulement le top 3 dans ce palmarès francophone. Je vous rappelle que la semaine passée, le numéro 1 était occupé par Dollarama de Fred Fortin, qu'on n'a pas encore entendu jusqu'à maintenant dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, ça se pourrait que ce soit encore le numéro 1, mais je sais pas. Aucune idée. Il va falloir attendre encore une bonne petite vingtaine de minutes. En fait, peut-être un petit peu moins que ça, parce qu'on arrive vers le numéro 1, mais bon, disons à peu près 20 minutes. Bon. On va l'entendre le numéro 3 tout de suite, hein, tant qu'à y être. Une longue pièce, mais une très, très, très excellente pièce de We Are Wolves. Elle monte de deux places. Voici La Rue Oblique, tout de suite, dans les palmarès. C'est fou, édition franco au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. numéro 2. C'était le nombre avec D.B. Cooper qui monte de la 11e place. Ça monte donc de 9 places. C'est en 2e position, ça francophone. Leur album s'appelle Ville est fantastique. Avant ça, on a entendu We Are Wolves et La Rue Oblique qui monte de 2 places. Est-ce que j'ai bien prononcé La Rue Oblique? Je pense qu'il manquait quelques lettres là-dedans. La Rue Oblique de leur album Invisible Violence. Ça veut dire qu'on est rendu au numéro 1 déjà. Donc on va avoir un petit peu de temps pour se passer quelques classic gold hits. Mais avant, je dois vous laisser deviner le numéro 1 parmi les merveilleux, célèbres et reconnus ISO 9002. Mes jeux de mots. Fantastique, oui. Pour la première position. Ils sont vraiment... Sont assez... Tu sais, je vais me mettre la barre haute quand j'en parle tout le temps comme ça. C'est vraiment comme grandiose. Ça vaut plusieurs dollars. Ça vaut vraiment... Si je pourrais me faire payer au moins un dollar par jeu de mots, si je le demandais. Comme ça, je pourrais sûrement avoir une petite pelle puis un petit saut aussi. C'est, j'ai de l'art à main. De Fred Fortin. Au palmarès, c'est fou, édition Franco. Tu devines un rapport qui que je viens de voir. D'un rayon du dolor à mort, à place des cossins, ses étagères. Jamais su son vrai nom, je me dis à quoi tu devrais le savoir. Avec des boutons, des gros tétons, pis les dormoirs. On l'appelait petite charrue, c'était le nom que lui avait donné ses frères. Il était dans même école, je sais pas combien qu'elle peine avoir. C'était pas tout des bols à ce qu'il faut croire. Elle est minutieuse et à son affaire. Elle prend soin de la vaisselle de verre. Fabriqué par ses amis les Chinois dans la grande famille de Dolorama. espérait, il sait déjà. Ça doit être la petite charrue qui m'en troublait. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin, ben vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avec plus de boutons, des gros tétons, puis un partiel. J'ai continué de marcher dans la lumière des rayons du dehors à moi. Je vois bien n'importe quoi en sachant que ça servirait pas. Je me suis souvenu, nous autres, on l'aimait bien. Ça y est qu'une pièce pour y poigner les seins. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant, payé à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les chinois. Merci, bonsoir. C'était le grand numéro 1 francophone de cette semaine dans les palmarès. C'est fou. Avant de dire le numéro 1, on fait un petit récapitulatif comme toujours. En troisième, c'est We Are Wolves avec Larry Oblique. En deuxième, Le Nombre avec DB Cooper. Et on vient d'entendre le grand numéro 1, Fred Fortin avec Dollarama. Et c'est stable, donc c'était aussi le numéro 1 la semaine dernière. Deux semaines d'affilée, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. C'est pas super fréquent, ça. Fred Fortin qui était dans nos studios très récemment, fait par téléphone. Bon. Le téléphone est dans le studio, fait que ça compte. Allez voir l'entrevue ou l'écouter au moins sur le www.cif.ca. Et si vous voyez quelque chose, ben, c'est qu'il se passe quelque chose de peut-être pas correct. Dans... Peut-être que les visualisations de Windows Media Player, c'est tellement génial. C'est une chance qu'on a ça. Hein? Une chance. Donc, c'est les palmarès assez fous pour cette semaine, pour les auditeurs du vendredi, au moins qui nous quittent, hein, jusqu'à la semaine prochaine. Ils vont aller rejoindre les lutins de l'enfer dans quelques minutes à peine. C'est joyeux gaillards. On va dire. Donc, les lutins de l'enfer suivent. Nous, en direct, le jeudi après-midi, on continue pour une autre demi-heure additionnelle remplie de fibres et de plein d'autres choses. On va s'écouter le top 30 des albums, le top 10 large des tops électroniques, comme on fait toujours dans la dernière demi-heure des palmarès c'est fou. Mais avant ça, on se quitte tout le monde, là, les gens de partout, que, où que vous soyez. On se quitte avec les gigolos, un classique des palmarès francophones, c'est la guerre des mondes. À tout à l'heure ou bye-bye! Thank you. C'est fou, 89.1. Vous revoilà! C'est toujours les palmarès, c'est fou, c'est la partie extra où on présente le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. C'est la dernière demi-heure, donc dans laquelle on met tout ça. On met tout ça dans un chaudron, on met le couvert de son attaque, ça boue. À un moment donné, ben, ça donne un bon petit résultat musical dans vos oreilles. Hein? Malade comme analogie, j'adore ça. Avant de sauter dans ces autres palmarès, tout à l'heure, juste avant la pause, on écoutait un petit peu de classic gold hits des palmarès. On a entendu les gigolos. Ça me tente d'entendre d'autres petites pièces classiques comme ça qui me rappellent des souvenirs du bon vieux temps des palmarès. Ils sont encore bons aujourd'hui, mais à chaque session, il y a toujours des chansons qui me poignent, qui sont comme, puis là, ils me guiliguilis, là, tu sais. Bon, c'est ce que The Fratellis me font. Wow, l'image n'est pas très belle, par exemple. On commence avec Navet Confit. Voici la pièce Aspirine de l'album LP2. Une pièce qui me font guili-guili. Où est-ce que je prends ça, ces images-là, moi? Hein? Vous êtes un peu embarrassé fou au 89.1. Confie la pièce Aspirine. Non, il paraît assez fou. On va utiliser la technique TVA. Je me suis dit, ça pourrait faire du bien des fois. Hein, le côté TVA, c'est tellement classe, tout ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient plus tard? La réponse dans 30 secondes. Ce jeudi à Assemblage Requis, un reportage en direct des changements climatiques avec les gars de Vidon là dans la question. Et Maxime Lemuleramé, dans sa chronique hebdomadaire, vient nous parler du nouvel album de Dumont. Tout ça, c'est à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, jeudi, 15h. Et la réponse, c'est The Fratellis. Voici Henrietta dans les palmarès, c'est fou. Ah, ça marche, évidemment, ça. Quasiment comme un suspense. Comme... Je me demande vraiment ce qui s'en vient. Just these cement you can come in with us. A monster has been selling addicts. These are crazy times, Donna. Guess that little music kitchen. Answer the phone and salt. Anyway, I choose to come on. Une de mes pièces préférées depuis que j'allais m'assez fou en 2004, genre. Il me semble qu'en dedans de ce temps-là, c'est une de mes préférées. The Fratellis avec Henrietta. C'est très, très bon de leur album Costello Music. J'aime beaucoup le solo de petite poule. Avant The Fratellis, je fais toujours un fou de moi. Neve Confi a débuté ce petit bloc flashback classic gold hit avec la pièce Aspirine. Ça, c'était du côté francophone, bien sûr, de notre palmarès. Alors, on continue comme ça avec... là, on a terminé la portion classique gold hit. Hein. Je vous rappelle que dans cette dernière demi-heure des palmarès, on saute toujours dans le top 30 des CD, top 10 loud, top 10 électronique. Hier, c'était surtout électronique. Hein. Surtout. On pourrait même se rappeler comme ça de ce qu'il y a dans ce top 10 électronique. Deux nouvelles entrées. En 9e, Ernest Gonzalez avec Self-Awakening EP. Ensuite, 3e position, monte de une, Vitalik avec Flash Mob. En 2e, ça monte d'une place, Biobazar avec Futuristic Psychedelic Archives. Et le numéro 1 est une nouvelle entrée, Digits avec Hold It Close. Dans le top 30 des CD, qu'est-ce qu'on retrouve? Plein de choses, évidemment. Trois nouvelles entrées. En 23e, Devil's Hot Rod avec Dirty Rocks for Broken Hearts. On va d'ailleurs entendre un extrait dans le prochain bloc. On a aussi en 21e, Shaq Bots avec We Were Born Tigers. Et en 20e, Pointed Sticks avec Three Left Make a Right. On les a entendus en début d'émission hier dans le palmarès anglophone régulier. Là, ce qu'on va l'entendre pour commencer le bloc, c'est Marcy Playground, oui, qui était dans le palmarès très récemment avec Blackbird. Et cette pièce-là a quitté, mais ça veut pas dire que l'album quitte le top 30 des CD, non. L'album Leaving Wonderland in a Fit of Rage, il est toujours en 29e place. On va entendre tout de suite l'extrait Devil Woman. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Au 89.1 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Little girl. baby, that's a found. Come on, baby, do it one more time. I'm a body, got babies off my mind. I'm a body, do it, give it, give it, give it. I'm drunk with you, baby, that's all true. My heart's still burning just for you, baby. La formation Trifluvienne Devil's Hot Rod avec Bopping Cat de leur album Dirty Rocks for Broken Hearts ici dans les Palmarès C'est Fou, portion extra. Et non seulement Devil's Hot Rod c'est très très bon, et non seulement c'est Trifluvien, et non seulement ils sont aussi sur le top 20 anglophone avec leur pièce, c'est quoi, Wild Wild Mommy, je me rappelle bien. Mais non seulement ça, mais ils font en plus un cover du thème de Benny Hill, et moi je m'en rappelle puis je veux l'entendre, donc la voici tout de suite, Devil's Hot Rod et Benny Hill Theme. Hey, quelle bonne idée ça, reprendre le thème de Benny Hill. J'adore, c'est Devil's Hot Rod, formation Trifluvienne. Wow, Benny Hill, ça me rappelle des souvenirs, ça. Je pense qu'il y a personne qui se rappelle de ça, sauf moi, il me semble. Ça jouait, il me semble, tard dans la soirée. Bon, peu importe, avant Devil's Hot Rod, on a entendu la formation Marcy Playground. Leur album s'appelle Leaving Wonderland in a Fit of Rage. Et ça, ben, c'est dans le top 30 des albums. Oui, c'est en position numéro 29. Ça descend un petit peu de la 24e. On a entendu la pièce Devil Woman, qui est, dans le fond, la deuxième pièce de l'album. Mais avant ça, on a eu Blackbird dans le palmarès. Bon, on l'a pas entendu aujourd'hui, mais c'était dans le palmarès. Juste pour vous signifier pourquoi on la joue. Hein. Bon, des fois, il faut vous mettre un petit peu d'ordre dans ces affaires-là. C'est bien compliqué. Il nous reste... peu de temps, une dizaine de minutes à peine dans cette édition des Palmarès C'est Fou. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller entendre un autre album qui est dans le top 30. Pourquoi pas? On va l'entendre The Dawes. Leur album s'appelle North Hills. C'est en 28e place. Voici Love is All I Am. Tout de suite, dans les Palmarès C'est Fou. True way. that I'd say them wrong. Is it love as a mountain or love as a simple song? And the moment that the two meet has now laid itself at your feet. And love is not convenience, it does not seem Yes, Love is All I Am de l'album North Hills de la formation de Dawes, qui est en 28e position du palmarès Top 30 DCD. Ça monte de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, donc ça n'a pas vraiment monté tant que ça. C'était le numéro 30 la semaine passée. La formation de Dawes, peut-être qu'on les retrouvera un jour dans le Top 20. Avant les Dawes, ben, en fait, on avait entendu Devil's Trap, mais vous savez déjà, je l'ai déjà dit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est changer un petit peu de sujet. Hein? Parce qu'on a plein de choses à faire comme ça, puis à un moment donné, il faut se retrouver. Le top 30 des CD, on va faire le top 3, parce que je ne l'ai pas fait encore. En troisième, ça monte de la 15e, Pete Yorn et Scott Johansson avec Break Up. En deuxième, c'est Hockey qui monte de 3 places avec Mind Chaos. Et le numéro 1 est Islands avec Vapors qui monte de 3 places. Le top 3 des disques canadiens maintenant, c'est stable en troisième, Tegan and Sarah avec Saint Hood. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1, Two Hours Traffic avec Territory. Et en première, ça monte de 3 Islands avec Vapors. Regardons un petit peu ailleurs. Tiens, ah, Oui, je sais ce qu'on va faire. On va laisser entendre une pièce d'un album qu'on connaît déjà. On appelle ça, depuis très longtemps, hein, se promener sur la clôture, hein, parce qu'on écoute des pièces d'artistes qu'on connaît déjà, mais pas les pièces qu'on connaît. Hein. Hôtel Morphée est en position numéro 6 du palmarès francophone en ce moment même avec Danse sur les toits. On va aller plutôt entendre leur pièce La Rose pour voir de quoi ça a l'air dans les palmarès. C'est fou! Restez avec nous. Que ta réalité déchira la dure fatalité. Tu es, tu seras la preuve de ton passé. Blessé malgré toi, petite fleur desséchée. Tu blesses, tu blesseras, victime d'avoir cédé. La formation Hôtel Morphée avec leur pièce La Rose. Hôtel Morphée qu'on connaît pour leur pièce Danse sur les toits dans le palmarès régulier, le top 20 francophone. Bon, c'était la petite portion sur la clôture des palmarès C'est fou. C'est pas mal terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine pour les palmarès. Hein. Je vous rappelle le nouvel horaire, c'est les mercredis entre 13h et 15h pour la version anglophone et les jeudis même heure entre 13h et 15h pour la version francophone. C'est ce qu'on faisait aujourd'hui. Les deux sont combinés en une seule émission, anglophone puis francophone, les vendredis soirs entre 17h et 20h. Donc soyez-y si vous avez raté quelque chose ou si vous aimez tellement la musique de C'est fou que vous écoutez les palmarès C'est fou encore et encore et encore et encore. Comme en balado-diffusion sur le www.assemblagerequis.com, là où on retrouve aussi la liste des pièces qui ont joué et tout plein de contenu super amusant. On va se quitter avec une pièce du Top 10 Loud dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant cette semaine, donc parlons-en tout de suite. Tiens. Nouvelle entrée en 10e place, I Shall Become, l'artiste avec l'album The Pendle Witch Trial. Dans le top 3, en 3e, c'est Baroness qu'on va justement entendre tantôt, leur album est Blue Record. En deuxième, c'est stable Megadeth avec Endgame. Et en première place, c'est Sacrifice avec The Ones I Condemn. Donc le top 3 est complètement stable. On se quitte avec Baroness et leur pièce The Sweetest Curse qui va déchirer vos radios pendant quelques minutes. Et on se retrouve à Assemblage Requis dans quelques minutes à peine. Restez là. Non, c'est là qu'Iwan, je sais pas si d'accord avec moi, mais pas mal moins intense que celle des semaines passées pour le top 10 loud, celle-là. Ouais, c'est sûrement pas la plus loud du top loud, mais c'est une très bonne pièce quand même. Je pense que je vais la faire jouer chaque semaine. C'est elle qui va représenter le top 10 loud pour le reste de l'éternité. Ça va le mettre dans ton iPod, puis ça va représenter la musique loud dans ta vie pour toujours. C'est réglé. Bon, restez avec nous, Assemblage Requis commence dans 2 minutes 33 secondes.